Leçon 5, exercice 63. Caractériser, transformer. Exemple. J'aime les films. Ils me font rêver. J'aime les films qui me font rêver. À vous. J'aime les films. On peut s'identifier aux héros. J'aime les films dans lesquels on peut s'identifier aux héros. J'aime les films. On peut les revoir 3 ou 4 fois. J'aime les films que l'on peut revoir 3 ou 4 fois. J'aime les films. On a envie d'y amener ses amis. J'aime les films où on a envie d'amener ses amis. J'aime les films. Il faut en parler. J'aime les films dont il faut parler. J'aime les films. On leur fait peu de publicité. J'aime les films pour lesquels on fait peu de publicité.